Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, plongée au cœur de l'une des plus grandes intrigues de l'histoire religieuse, l'énigme de l'Arche d'Alliance. Depuis des siècles, le mystère qui entoure ce coffre mythique alimente l'imaginaire collectif autant qu'il inspire les légendes les plus folles et qu'il nourrit la pensée religieuse. De cette relique sacrée, on ne sait pas grand-chose en réalité. Son rôle, son apparence et sa fonction varient suivant les textes bibliques étudiés. Dans la tradition juive, il est dit que l'Arche a contenu les tables de la loi, texte fondateur du judaïsme et d'une partie de la religion chrétienne, à la valeur inestimable. L'hypothèse, jusqu'ici admise, uniquement bien sûr en se basant sur ce que rapporte la Bible, c'est que l'Arche d'Alliance a disparu aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ. Depuis, de nombreux chercheurs et scientifiques enquêtent aux quatre coins du monde pour tenter de percer les secrets qui entourent l'Arche d'Alliance. Parmi eux, et il est notre invité, le professeur Thomas Remer, titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France. Il co-dirige actuellement, avec les professeurs Israël Finkelstein et Christophe Nicole, une campagne de fouilles archéologiques en Israël. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Docteur Jones, nous avons beaucoup entendu parler de vous. Ah oui ? Professeur d'archéologie, expert en sciences occultes et, voyons comment dire au juste, pourvoyeur en antiquité rarissime. Docteur Jones, ce qui va suivre, nous tenons à le souligner, est strictement confidentiel. Hier, en fin d'après-midi, deux de nos bureaux européens ont intercepté un câble allemand qui était parti du Caire à destination de Berlin. Il faut que vous sachiez que depuis environ 2 ans, les nazis envoient des équipes d'archéologues aux quatre coins du monde avec pour mission de rechercher toutes sortes d'antiquités religieuses. Hitler se passionne pour cette opération. Il est obsédé par l'occulte. Et si nos renseignements sont exacts, des fouilles ont été récemment entreprises en Égypte par les Allemands dans le désert à l'ouest du Caire. Nous avons ici quelques documents qui s'y réfèrent, mais ils nous semblent obscurs. Peut-être seront-ils plus clairs pour vous. Les nazis ont découvert Tanis. Mais qu'est-ce que c'est que Tanis ? C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance ? L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements ? Vous voulez dire les 10 commandements ? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme ? Vous êtes sûrement l'homme qu'il nous faut, oui, vous semblez tout. Au mois de septembre 80, dans les salles de cinéma françaises, le grand public découvre le premier volet des intrigues d'un héros, mi-professeur d'archéologie, mi-chercheur de trésors, au fusil cavenant et au chapeau légendaire, Indiana Jones. Avec les aventuriers de l'Arche perdue, le réalisateur américain Steven Spielberg signe un succès au box-office mondial. Et au-delà de l'aspect commercial de ce long métrage, son scénario attise la fascination des spectateurs pour un objet méconnu pour les non-initiés. Tout au long du film, Indiana Jones doit empêcher les nazis de s'emparer d'une relique au pouvoir, aussi étrange qu'inquiétant, l'Arche d'Alliance. Conformément au texte biblique, il est dit que quiconque regardera à l'intérieur de ce coffre sacré sera foudroyé par la mort. Procéder de la manière suivante. Mais le scénario de Spielberg va plus loin et relaie une autre hypothèse, jamais vérifiée et très polémique. L'Arche d'Alliance contiendrait une puissance divine destructrice dès lors qu'on s'en approcherait. Bien. Avant Spielberg, le cinéma et la littérature s'étaient déjà emparés du mythe de l'Arche. À chaque fois, écrivains et scénaristes dessinaient l'image d'un objet aux facultés mystiques dont pourtant l'existence n'a jamais été prouvée. Alors, d'où nous viennent ces légendes autour de l'Arche d'Alliance ? Si cet objet existait, à quoi ressemblait-il ? Était-il le sanctuaire d'un pouvoir extraordinaire, comme le cinéma hollywoodien le laisse entendre ? Et enfin, si l'Arche existe toujours, où est-elle ? Point de départ de ce voyage à la recherche d'une vérité enfouie par des siècles d'histoire, le désert de Palestine au milieu du siècle dernier. Été 47, site de Qumran, non loin des rives de la mer Morte. C'est dans cet endroit désertique, frappé par un soleil de plomb et balayé par des vents de sable, qu'un jeune berger bédouin, découvre par hasard, à l'intérieur d'une grotte minuscule perchée à flanc de falaise, des jarres contenant des rouleaux de cuir. À l'intérieur, le jeune homme découvre, sur de fins morceaux de papyrus et de parchemin, des fragments sur lesquels sont écrits des textes en araméen, en grec et en hébreu. L'histoire est belle et elle a tout d'un conte oriental. Parmi ceux qui vont la relayer et l'introniser comme récit officiel, il y a l'archéologue américain John Trevor. Il est l'un des tout premiers occidentaux à examiner, analyser, photographier ces précieux morceaux de documents dénommés manuscrits de la mer morte, dont on estime qu'ils auraient été rédigés entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Au fil des recherches, d'autres scientifiques découvrent d'autres grottes avec d'autres fragments de textes. Mis bout à bout, l'ensemble de ces extraits constitue l'Ancien Testament, c'est-à-dire les écrits de la Bible antérieurs à Jésus-Christ. Et c'est précisément dans le 2e livre de cet Ancien Testament, celui dit de l'Exode, qu'est évoqué pour la première fois l'objet qui nous intéresse, l'Arche d'Alliance, comme en témoigne l'archéologue John Trevor. Lors de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements gravés sur 2 tablettes de pierre. Lorsqu'il redescend ensuite voir son peuple, il fait construire une arche pour protéger et conserver ce cadeau divin. Au total, on dénombre plus de 200 occurrences à cette arche. Elle est appelée arche de Dieu, arche de Yahvé, à d'autres reprises sainte arche ou arche de témoignage, et enfin arche d'alliance, et ce dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. S'agit-il d'une preuve indiscutable de l'existence de cet objet ? On peut en douter. Si l'arche a transporté les 10 commandements, pourquoi n'est-elle pas évoquée nulle part ailleurs dans les récits du Nouveau Testament, postérieur donc à Jésus-Christ, à l'exception de l'Épître aux Hébreux et l'Apocalypse de Jean ? Eh bien, mystère. Pour tenter de cerner le vrai du faux dans une affaire qui se fait labyrinthe, le professeur Thomas Römer, philologue spécialiste de l'histoire biblique, va passer au crible l'ensemble des textes qui font référence à l'arche. Et au terme de longues années de recherche, un constat s'impose. La forme de cet objet, son rôle et son parcours varient considérablement suivant les textes de la Bible sur lesquels on s'appuie. D'abord, la description de l'arche. Dans le livre de l'Exode, elle est présentée comme un coffre en bois d'acacia de taille moyenne. 1,25 m de long sur 75 cm de large et autant de haut. Son couvercle, recouvert d'or, serait orné de 2 chérubins. Bien, mais dans un autre livre de l'Ancien Testament, l'arche est présentée comme un coffre en bois brut sans aucune référence à une décoration ou à un ornement quoi qu'il soit. Ensuite, il y a le rôle du coffre. Là aussi, les versions sont contradictoires. Seul élément dont on soit sûr, l'Arche d'Alliance était un sanctuaire mobile qui aurait accompagné le peuple hébreu lors de sa traversée du désert. Après, les choses se compliquent. Certains textes laissent entendre que l'Arche a abrité des textes sacrés. Il est ici question des 10 commandements ou simplement des tables de la loi, ensemble des instructions morales et religieuses divines reçues par le peuple élu. D'autres textes, enfin, laissent supposer qu'elle aurait été la maison de Dieu et qu'ainsi elle aurait pu concentrer des pouvoirs divins. Voilà, parmi les histoires qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, il y a celle également de la conquête du pays de Canaan, qui ne reflète pas un événement historique, mais qui a été écrite sans doute au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Durant la bataille pour la prise de la ville de Jéricho, Dieu aurait ordonné aux prêtres hébreux d'apporter l'arche sur place et de la faire tourner tout autour du site. Au bout de 7 jours de ce rituel mystique, la Bible raconte que tous les murs de la ville se sont effondrés. Mais comme le rappelle l'historien des sciences des religions Jean-Luc Poutier, les archéologues ont des doutes sur cet épisode. Ni à Jéricho, ni dans d'autres endroits où auraient pu passer ces Hébreux sortis d'Égypte qui arrivaient dans la terre de Canaan, les archéologues n'ont trouvé de traces d'une conquête. Donc ce qui est mis en cause aujourd'hui par l'archéologie, c'est l'idée d'une conquête de la terre de Canaan vers les 12e, 11e siècle avant notre ère, par une population venue de l'extérieur. L'autre question centrale dans cette affaire, c'est de déterminer le parcours de l'Arche d'Alliance, de sa conception au milieu du désert égyptien jusqu'à son étonnante disparition. Ce que les historiens supposent, en se basant uniquement sur les extraits de l'Ancien Testament, c'est qu'après plusieurs centaines d'années d'errance et de voyage, et après avoir été dérobé une première fois par les Philistins, l'arche aurait fini sa course à Jérusalem sous l'impulsion du roi David. Symbole de l'installation des Israélites sur la terre promise, l'arche y aurait alors été abritée, protégée, vénérée. Afin de la mettre à l'abri, le fils de David, le roi Salomon, aurait ordonné qu'on la transportât à l'intérieur d'un sanctuaire construit sur le mont du Temple, toujours à Jérusalem. Nous sommes là en moins de 950 avant Jésus-Christ, selon la chronologie traditionnelle. Et c'est précisément à partir de ce moment que les mentions à cette relique sacrée se font moins nombreuses dans la Bible pour finalement devenir inexistantes. Alors, qu'est-il arrivé? Où est passée l'arche? Volée? Détruite? Cachée? C'est à plus de 2500 km au sud-ouest de Jérusalem, en Éthiopie, pays pauvre situé dans la Corne de l'Afrique, qu'on trouve l'une des premières explications possibles à la disparition de l'arche. À en croire des manuscrits médiévaux, dont les textes sont le fondement même de l'Église catholique éthiopienne, le roi Salomon aurait reçu un jour la visite de son fils Ménélique, un jeune homme né de la liaison qu'il avait eue avec la reine de Saba. Lorsque Ménélique est reparti pour son royaume, Salomon l'aurait fait escorter par les fils des prêtres et l'un d'eux aurait dérobé l'Arche d'Alliance. Écoutez ce qu'en pense cet historien éthiopien. C'est une légende, ça, à mon avis, parce que les Éthiopiens y croient à ça et ils tiennent beaucoup que l'Arche d'Alliance, qu'elle se trouve à Aksum, vraiment. Et ils attachent beaucoup à ça, les Éthiopiens. Parce qu'au moins, on est sûr que Ménélique Ier a régné en Éthiopie. Ça, c'est sûr. Dans l'actuelle Éthiopie, il a régné en Éthiopie, mais on ne sait pas s'il a porté aussi l'Arche d'Alliance. Ça aussi, c'était une légende. Toujours d'après la tradition éthiopienne, l'Arche aurait poursuivi son chemin dans des conditions qui demeurent obscures de Jérusalem à Aksum, dans le nord de l'Éthiopie, où elle serait gardée entre les murs de l'église Notre-Dame de Sion. Personne n'a eu depuis le droit de la voir, ni de s'en approcher, à l'exception d'un prêtre qui vit isolé du reste du monde et dont la mission consiste justement à veiller sur ce précieux coffre. Alors, l'Arche d'Alliance serait-elle toujours en Éthiopie? Encore une hypothèse impossible à vérifier, d'autant qu'une autre légende rapporte que l'Arche aurait depuis longtemps quitté l'Éthiopie pour la France. Chartres, Eure-et-Loir, un après-midi pluvieux de l'automne 67. Ce jour-là, un groupe d'étudiants en histoire se donne rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Mais ce n'est pas pour admirer ce chef-d'œuvre de l'art religieux qu'ils ont fait le déplacement, non. Eux sont là pour percer un secret qui se trouverait à l'intérieur. Voilà un an qu'un écrivain du nom de Louis Charpentier prétend que l'Arche d'Alliance est enfouie sous le pilier nord de la cathédrale. L'homme en veut pour preuve la présence, sur ce même pilier dit des initiés, d'une étonnante sculpture placée à 1,80 m du sol. Ce que les étudiants vérifient, ils découvrent même deux fresques, dont chacune représente une scène biblique taillée à même la colonne en pierre. Sur celle de gauche, on distingue un grand coffre monté sur de puissantes roues. Dessus apparaît un objet qui semble symboliser les tables de la loi, et à côté un autre qui semble être le vase ayant renfermé la baguette d'Aaron, objet mythique avec lequel Moïse aura fait s'écarter les eaux de la mer Rouge. Sur la droite, l'autre scène reste soumise à interprétation. Certains pensent qu'il s'agit d'une illustration de l'arrivée des coffres en bois chez les Hébreux. D'autres, en revanche, comme Louis Charpentier, estiment qu'il pourrait s'agir d'un indice expliquant que le coffre a été déplacé ici même à Chartres. Juste en dessous des sculptures, les étudiants découvrent deux inscriptions en latin gravées dans la pierre. Arca Fuederis, par l'arche tu œuvreras, et Arca Hic Amititur, l'arche fut amenée ici. Pour justifier sa thèse, l'écrivain Louis Charpentier explique qu'au Moyen-Âge, l'ordre des Templiers aurait dorébé l'arche puis l'aurait rapportée à Chartres avant de l'enfouir dans les fondations de la cathédrale pour la protéger à jamais. L'histoire est surprenante et ô combien intrigante. Toutefois, et au regret d'en décevoir beaucoup, dont ce groupe d'étudiants curieux, elle tient plus pour les chercheurs en sciences bibliques du fantasme ésotérique que de la vérité historique. Mais à cette époque, cette thèse pour expliquer la disparition de l'Arche n'est pas la plus farfelue. Certains, en effet, prétendent qu'elle serait enfermée dans les caves secrètes avec les trésors du Vatican, à Rome. D'autres vont même jusqu'à proposer l'idée que l'Arche d'Alliance puisse être quelque part sur une autre planète. C'est le cas de l'écrivain Jean Sandy, en 1969. Nous sommes alors en plein contexte de la conquête spatiale, ça laisse des traces et ses tendances. Imaginons que mon hypothèse soit vraie. C'est-à-dire que j'ai bien lu le texte biblique. Les cosmonautes d'Apollo 11, 21 juillet, peut-être, ou une autre équipe plus loin, doit nécessairement tomber sur l'arc d'alliance déposé à cet effet par les célestes, par les cosmonautes, des parties qui nous ont précédés sur la Lune. S'il y a bien un fait sur lequel les historiens semblent être d'accord, c'est qu'en -787 avant Jésus-Christ, les troupes babyloniennes emmenées par l'empereur Nabuchodonosor II ont assiégé la ville sainte de Jérusalem. Au terme de cet épisode d'une très grande violence, la capitale du royaume de Juda aurait été presque entièrement détruite. Sur le mont du Temple, au cœur de la ville, le sanctuaire du roi Salomon aurait été rayé de la carte. Ses trésors, ses richesses auraient été pillés. Une partie de la population, enfin, aurait été déportée. Et l'Arche aurait, d'après certains textes, atterri à Babylone. Et quand l'armée romaine entre à son tour à Jérusalem au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Arche d'Alliance n'apparaît nulle part dans ces récits. Alors, détruite lors de cette bataille, l'Arche d'Alliance, perdue dans les méandres de plusieurs centaines d'années de conquête. Interrogé par le magazine Science et Vie, le philologue chercheur au laboratoire des mondes sémitiques, Christophe de Mardelet, estime, je le cite, que dans le cas de l'Arche d'Alliance, il ne s'agit pas à proprement parler d'une recherche historique, mais plus d'une investigation sur une suite de conceptions et d'interprétations religieuses. Du premier livre de Samuel, qui évoque la conception la plus ancienne de l'Arche d'Alliance, au livre de l'Exode, il y a dans les textes hébraïques toute une évolution du motif de l'arche. Mais si ces éléments bibliques semblent former une belle continuité littéraire, il faut se rendre à l'évidence. Celle-ci n'a rien d'historique. Qu'elle ait réellement existé ou non, l'Arche d'Alliance voit grandir au fil du temps son incroyable pouvoir de fascination. Le mystère qui entoure sa création jusqu'à sa disparition et les énigmes qui jalonnent son histoire participent à consacrer le mythe d'un coffre divin au pouvoir mystique. Alors, quand au printemps 82, un archéologue américain prétend avoir retrouvé l'objet tant convoité, l'affaire est sensible. Le temps passe et l'amour se prête. Je vois, messieurs, que l'affaire peut désormais être classée et oubliée. Où est l'arche? L'arche est quelque part en lieu sûr, à l'abri. Oui, de qui? L'arche d'alliance est la source d'un pouvoir incommensurable. Elle doit être étudiée avec soin. Elle le sera, croyez-moi. Je vous l'assure, docteur Brody, docteur Jones. Oui, nos meilleurs spécialistes sont à la tâche, matin et soir. Lesquels? Les meilleurs. Au printemps 1981, parmi tous ceux qui assistent sur grand écran aux péripéties d'Indiana Jones, il y a un Américain de 49 ans. Visage rond, barbe fournie, cheveux balayés en arrière, un petit côté Orson Welles. Ce n'est pas un fan de cinéma, non. Non, c'est un passionné des textes bibliques. Ses amis le décrivent comme un croyant convaincu qui ne recherche ni argent ni gloire. Cet homme, jusqu'ici anonyme et qui s'apprête pourtant à endosser le costume d'aventurier de l'Arche perdue, c'est Ron Wyatt. Après des années de lecture érudite, de conférences enflammées et de recherches dans les bibliothèques des cercles religieux, Wyatt s'est forgé la conviction que l'Arche d'Alliance existe, oui, et que, contrairement à ce que laisse entendre le film de Spielberg, elle serait enterrée quelque part sous l'une des collines de Jérusalem. L'archéologue américain part de l'hypothèse suivante. Pendant l'invasion des Babyloniens, en -587 avant Jésus-Christ, les prêtres du mont du Temple auraient emmené l'arche avec eux pour la mettre en lieu sûr. Ensuite, plusieurs siècles d'histoire sont passés par là et l'arche aurait fini par être oubliée dans une grotte ou dans une cage dans la pierre. Voilà déjà une quinzaine d'années que Ron Wyatt multiplie les voyages en Israël. Mais cette fois, il le sent, il approche du but. Et comme il le racontera plus tard dans son autobiographie, c'est grâce à Dieu qu'il a réussi sa mission. Une fois sur place, cela ne fut pas aussi facile que je le pensais. J'ai marché des jours durant le long des collines. Certains sites, désertiques à l'Antiquité, étaient maintenant bordés de routes, de parcs, et parfois, des bâtiments étaient construits dessus. J'ai beaucoup cherché, et j'ai failli abandonner avant que le Seigneur ne me vienne en aide. Un jour, alors que je marchais entre un mur et l'escarpement du Golgotha, tout à coup, mon bras s'est levé et a pointé l'escarpement. Ma bouche s'est mise à dire, en pointant devant moi, « Ça, c'est la grotte de Jérémie et l'Arche d'Alliance est dedans. » Toujours après Ron Wyatt, un employé de l'autorité israélienne des Antiquités est présent à ses côtés au moment où il reçoit, comme il le dit, ce signe de Dieu. Et ce serait précisément pour cette raison qu'on lui aurait accordé un permis de fouille. Direction Jardin de la Tombe, Jérusalem-Est, nous sommes à la fin du mois de décembre 81. C'est sur le site de l'ancienne colline du Golgotha, plus communément appelée Mont du Calvaire, l'endroit où, selon les évangiles, Jésus a été crucifié, que Ron Wyatt, ses deux fils, Danny et Ronnie, et plusieurs de leurs amis commencent à creuser. Après plusieurs jours d'efforts, ils découvrent des fissures dans la roche, puis des trous qui semblaient être destinés à recevoir les croix des suppliciés. Enfin, ils dégagent l'entrée d'une petite grotte. Ron se glisse à l'intérieur et progresse dans un tunnel étroit qui aboutit à une cave remplie de gravats. Jour après jour, l'archéologue travaille avec précaution et finit par mettre au jour un pan mûr. Et le mardi 6 janvier 1982, au Polaroid, il immortalise la scène. Face à lui, il y a donc ce mur qu'il va devoir percer au marteau et au burin, et il parvient à dégager un bloc et au prix d'immenses efforts, accéder de l'autre côté. Et là, il est brusquement aveuglé par une source lumineuse qui provient d'un objet à même le sol, comme il le racontera des années plus tard lors d'une conférence. À ma quatrième venue dans la grotte, tout était propre. Les objets parfaitement disposés et rangés. L'arche d'alliance était placée contre le mur au fond de la grotte. Le fond de la grotte était cristallin et brillait des couleurs de l'arc-en-ciel. Et je ne vous parle pas de l'arc-en-ciel du mouvement New Age ou de celui des homosexuels ou autre chose. Lorsque je l'ai découvert, il y avait quatre jeunes debout derrière. Je leur ai dit « Mais que faites-vous ici ?» J'étais pétrifié, je ne pouvais plus bouger, ni respirer, ni faire quoi que ce soit d'autre. Et l'une de ces personnes m'a alors dit « Nous sommes les quatre anges qui protégeons l'arche depuis que Moïse a mis les tables de la loi à l'intérieur. » Autant dire que son histoire, Ron Riott la relate avec détail et émotion. Puis, il ajoute « Nous avons également retrouvé quelque chose sur place que j'ai longuement gardé secret. » Dans une fissure située à proximité de l'arche, il y avait du sang, dit-il, du sang séché. L'archéologue explique qu'il a envoyé un échantillon à un laboratoire de recherche israélien et que quelques jours plus tard, les résultats sont tombés. Il s'agit bien de sang humain et après l'avoir réchauffé, on découvre que les cellules de l'échantillon sont vivantes et qu'elles contiennent 24 chromosomes contre 46 normalement pour un être humain. Puis, ils ont dit, ce sang est vivant. Et alors je leur ai dit, savez-vous à qui ce sang appartient? C'est le sang de votre Messie. Ron Riott aurait donc, en plus d'avoir mis la main sur l'Arche d'Alliance, retrouvé aussi le sang de Jésus-Christ. Bon, l'histoire est encore une fois très belle, malheureusement, à l'exception d'une photo polaroïde brumeuse prise dans une grotte et qui serait censée représenter l'entrée de la cave où est cachée l'Arche, personne d'autre ne verra ou ne pourra expertiser le coffre et pour cause. La grotte est retrouvée vide quelques jours plus tard. Quant à l'échantillon de sang, personne ne sait ce qu'il est devenu. Alors, quel crédit porter au récit de Ron Riott et à ses prétendues découvertes? C'est simple. Pour la communauté scientifique, toute cette histoire n'est qu'une série d'élucubrations grotesques fermées le banc. D'ailleurs, et pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil au CV de Ron Riott. Après avoir prétendument découvert l'arche, l'archéologue serait allé en Turquie, où, malgré avoir été pris en otage par des hommes du PKK, il aurait découvert des traces de villes disparues de Sodome et Gomorre. Puis, ce même Wyatt serait allé en Égypte et aurait trouvé le passage où Moïse aurait intimé à la mer Rouge de se séparer en deux. Non sans avoir également découvert l'arche de Noé. Sans rire, Wyatt l'affirme. Été 2017, village d'Abou Ghosh, État d'Israël. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la voie rapide qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Au sommet d'une des collines, jalonnée de terrasses en pente garnie d'oliviers, se dresse depuis plus d'un siècle un couvent et une église placée sous protectorat du gouvernement français. C'est ici, sur le terrain du couvent, que les professeurs Israël Finkelstein, Thomas Römer et Christophe Nicole, accompagnés d'une cinquantaine d'étudiants, débutent une campagne de fouilles à la recherche de vestiges de l'époque antique. Leur objectif, comprendre les évolutions géopolitiques de cette région à la frontière, à l'époque, entre deux royaumes monothéistes. Mais comme chacun le sait, la moindre découverte archéologique réalisée, que ce soit en Israël ou en Cisjordanie, peut prendre des proportions politiques ou idéologiques gênantes. Sur ce point, le professeur Finkelstein met les points sur les i, genre les croyants croient, les autres pensent. Il y a environ deux ans, des rencontres publiques ont été organisées autour de la recherche biblique en Israël. C'était très intéressant de voir que tout d'abord, les ultra-orthodoxes ne se soucient pas de notre travail. Ils ne cherchent pas la vérité historique dans le récit biblique. Ce qui compte pour eux, c'est la croyance, la religion, les idées. Ils nous considèrent un petit peu, nous, les archéologues, comme des gens curieux, qui cherchent quelque chose qui ne doit pas être cherché, parce que la vérité est ailleurs à leurs yeux. Un point, c'est tout. Pour déterminer les zones à creuser, l'équipe dispose d'images aériennes antérieures à la Première Guerre mondiale et de clichés modernes en 3D, réalisés à l'aide d'un drone. Au fil des semaines, les fouilles apportent très vite leur lot de découvertes et de surprises. Des sous-sols de la colline, les chercheurs exhument un grand nombre d'objets, dont des débris de poterie datés entre 900 et 700 avant Jésus-Christ. Mais le plus intéressant se trouve ailleurs. À sa grande surprise, l'équipe met au jour les vestiges d'une immense structure, sorte d'estrade rectangulaire monumentale faite de main d'homme. D'après les archéologues, l'ensemble devait mesurer plus de 150 mètres de long sur 110 de large, couvrir une zone de plus d'un hectare. Les larges murs en pierre sont identiques à ceux que l'on construisait à l'âge de fer. Enfin, il est orienté sur l'axe nord-sud et sur l'axe est-ouest. Pour Israël Finkelstein et ses co-directeurs de recherche, cette plateforme pourrait avoir été un sanctuaire ou une sorte de lieu de pouvoir construit par le royaume d'Israël en commémoration de l'histoire de l'Arche d'Alliance. L'église construite sur la colline s'appelle d'ailleurs Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Et la colline sur laquelle elle est située peut facilement être identifiée au lieu de Kiryat Jearim, mentionné dans la Bible. Et il se trouve que dans la Bible, Kiryat Jearim est le lieu mentionné à plusieurs reprises où le roi David aurait récupéré l'arche pour l'emmener à Jérusalem. Autre élément qui renforce l'identification de la colline, c'est son nom arabe, Deir al-Azhar, qui semble être une déformation du monastère d'El-Azhar, un édifice byzantin qui commémorait le nom du prêtre responsable de l'arche, mais oui, lorsqu'elle était conservée à Kiryat Jearim. Alors, s'agit-il là d'un ensemble d'indices concordants qui démontrerait que l'arche d'alliance aurait bel et bien existé et qu'elle serait, comme le rapporte la Bible, passée par Kiryat Jearim? En un mot commençant, et celui par lequel ce récit a commencé, mystère. Leaves are changing, amber and golden, tawny and ruby, copper and gold. What we've been braving, though we were broken, falling to Mariana. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Est-il plus facile de partir à la recherche de l'arche, l'alliance avec un fouet, un chapeau à large bord et tout plein d'ennemis que de s'y retrouver dans les lignes de cette histoire? Je n'en suis pas sûr et c'est ce qui fait aussi son charme. Et nous allons en parler ensemble. Thomas Hormer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France et de la chaire Ancien Testament à l'Université de Lausanne. Vous co-dirigez actuellement, et on l'a dit dans le récit, hein, avec le professeur Israël Finkelstein et le professeur Christophe Nicole, une campagne de fouilles archéologiques en Israël. Votre dernier livre, coécrit avec Israël Finkelstein, est intitulé « Aux origines de la Torah, nouvelle rencontre, nouvelle perspective ». Il est paru aux éditions Bayard au mois de février dernier. Tout bien. Tout alors, Thomas Hormer, je dis Hormer parce qu'il y a un umlaut oui, sur le haut umlaut, et vous êtes allemand. Donc Thomas Hormer, vous êtes un spécialiste du monde biblique, on l'a compris, vous décortiquez depuis plus de 40 ans les écrits de l'Ancien Testament. Que reste-t-il aujourd'hui à découvrir finalement? C'est la première question qu'on a envie de poser oui, à un archéologue fait. Qui fouille, bon, qui cherche. Voilà, on peut se dire qu'on a tout découvert, mais en fait c'est pas vrai parce que c'est un livre qui est en fait une bibliothèque et grâce à l'archéologie, vous a parlé de Qumran tout à l'heure, on fait toujours des découvertes qui n'ont pas été faites par des générations précédentes et qui en effet permettent ou obligent en fait de revoir un peu le paradigme qu'on a. Ce qui m'intéresse surtout, c'est insérer le texte biblique dans l'histoire, non pas prouver l'historicité, mais de montrer en fait que la Bible n'est pas tombée du ciel, c'est une construction humaine et il faut expliquer pour quelles raisons on a raconté quel récit. Alors c'est intéressant quand vous dites c'est pas pour prouver l'historicité, ah non, puisque les œuvres religieuses, d'ailleurs la Bible est une grande œuvre littéraire, soit dit au passage, sont axées sur le symbolisme. Hein. Donc la question de savoir de mythes, si ça existait voilà. ou pas n'est pas une question valide finalement. N'est pas forcément une pas question forcément qui valide. S'impose. Oui. Bon, il y a évidemment des histoires des rois qu'on peut comparer avec d'autres inscriptions, mais c'est vrai que la Bible est surtout un document religieux qui veut faire passer des messages identitaires, et c'est ça ce qu'il faut décortiquer. D'ailleurs, les évangiles, le Nouveau Testament pour le coup, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc voilà. C'est un texte de propagande. Oui, c'est un texte de propagande, d'idéologie, absolument. De conviction religieuse, tout ce qu'on veut. Alors, les rouleaux de la mer morte, Qumran 47, ça a été... Il faut revenir là-dessus, parce qu'on a raconté un certain nombre de choses réelles, scientifiques, vérifiées dans ce texte, puis un certain nombre de bêtises, mais qui vont toujours mais qui vont de pair, mais bien sûr, voilà, mais bien sûr ouais, qu'il y a fantasmes et réalité. 47, je voudrais qu'on y revienne. C'était majeur, cette découverte. Ah, c'était les rouleaux majeur. De la mer morte. Je voudrais qu'on y revienne un peu, que vous nous expliquiez un oui. peu, parce qu'on l'a passé relativement vite. Tout à fait. Donc, avant cette découverte, en fait, les manuscrits bibliques de l'Ancien Testament, en fait, dataient du Moyen-Âge. On n'avait aucune preuve de l'existence des textes bibliques avant l'ère chrétienne. Il y avait même des gens qui pensaient que tout l'Ancien Testament est un grand faux construit très, très tardivement. Et à Qumran, on avait la preuve qu'au IIIe siècle, il y avait des manuscrits bibliques qui étaient déjà tellement diverses les uns des autres qu'on pouvait remonter en fait jusqu'au 5e, 6e siècle. Et donc en fait, on avait là la preuve matérielle que les textes de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, ont une longue histoire et donc ne sont pas simplement des faux qu'on aurait construits, je ne sais pas à partir de quelles idées. Donc c'était vraiment, je pense, c'est un des découvertes les plus importantes qu'on a pu faire au dernier siècle. Et sur le fond, qu'est-ce qu'on a découvert d'important? Alors, on a découvert d'abord l'existence de presque tous les manuscrits bibliques, mais on a aussi, évidemment, ça intéresse plus le Nouveau Testament. On a aussi découvert les écrits de cette communauté qui s'était réfugiée là à Qumran. Les Araméens ? Les Esséniens. Les Esséniens. Qui, en effet, s'étaient réfugiés là-bas parce qu'ils étaient mécontents de ce qui se passait à Jérusalem et qui attendaient un peu la fin du monde, la grande bataille finale entre les fils des Lumières et les fils des Ténèbres. Et il y a certains de ces textes qui ressemblent un peu aux oracles, aux prédications de Jésus dans le Nouveau Testament. On a souvent fait une sorte de rapprochement entre les deux. Alors je pense en effet qu'on peut dire que le Jésus historique était certainement très proche de ces pensées esséniennes qu'on trouve à Qumran. Donc c'est aussi intéressant de ce côté-là. Ça crée des polémiques d'ailleurs. Alors, c'était une affaire sensible. Si alors c'est aussi une affaire très sensible parce qu'il y a aussi toutes sortes de fantasmes que le Vatican aurait caché. C'est un peu comme l'Arche. Hein. Le Vatican aura caché des choses qu'on ne voulait pas qu'on sache. Mais je crois que c'est plus du fantasme que la réalité. Par contre, ça nous a beaucoup éclairé, en effet, sur le contexte socio-historique des derniers siècles avant l'ère chrétienne, et aussi sur le contexte, en effet, de la venue de ce Jésus de Nazareth. Et l'interaction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque Jésus est juif. Voilà, tout à fait. C'était évidemment des textes juifs, oui. On l'a vu dans le récit, il existait bien, avant le film des Aventuriers de l'Arche perdue, une véritable fascination pour l'Arche d'Alliance. Cela dit, le film, au passage, est un excellent film. Hein, c'est un très bon film. Vraiment, on l'a montré aux étudiants quand on a fait nos fouilles. Mais oui, c'est la BD en cinéma, et puis avec ce personnage, et puis son attirail, c'est un mythe, quoi, c'est absolument formidable. En même temps, assez bien renseigné sur certaines théories. Alors voilà, j'y viens. Si on s'est intéressé à ce film de Spielberg, j'imagine d'abord pour les héros, pour l'histoire, parce que ça va vite, parce que c'est spectaculaire, mais aussi peut-être autour de l'Arche d'Alliance. Est-ce que vous pensez que le fait que ce film-là, qui je crois est celui qui a le mieux marché des trois de la trilogie, est lié au fait qu'il tourne autour de l'Arche d'Alliance, qui signifierait que ça fascine toujours? Ah, je pense oui, parce qu'en effet, dès qu'on parle de l'Arche, il y a des romans, il y a toutes sortes d'études plus ou moins sérieuses, et ça se vend quand même toujours. Alors, le film de Spielberg, en effet, il reprend des choses qu'on a déjà dit avant, parce que si vous vous souvenez du film, lorsqu'ils ouvrent l'Arche, il y a toutes sortes d'électricité qui sort, et une théorie, c'était en effet que c'est un générateur d'électricité. Donc ça, c'est une théorie qui date depuis le 17e, 18e siècle. Évidemment, ce qui est repris de la Bible, c'est quand on regarde dans l'Arche, on risque sa vie, ce qui arrive évidemment aussi. Et le fait que Hitler aurait été intéressé par l'Arche, c'est pas une invention, il semble que ce n'est pas une invention. Les historiens affirment qu'il était en effet obsédé par cet objet-là. On peut dire objet quand on parle de... Je pense oui, c'est un objet. On ne sait pas très bien quelle était la première... La première manière dont cette arche a été construite, mais probablement un coffre assez grand, une sorte de sanctuaire portable, en effet. Et c'était certainement pas, au début, le coffre des tables de la loi. Certainement pas, il y avait autre chose dedans. Alors, comme si l'affaire n'était pas assez compliquée comme ça, je vais poser une question qui va complexifier la chose. Se pourrait-il qu'en réalité, il y ait plusieurs arches? On va écouter une archive, ensemble. On va réagir et répondre à cette question. L'archive en question, c'est celle qui va vous faire entendre le témoignage de Joseph Hugues, un prêtre jésuite qui confie sa perception de l'archéologie biblique et des apports de ces dernières décennies. L'archéologie biblique, oui, c'est assez difficile, vous voyez. Souvent, on simplifie, je pense, trop. Alors, moi, j'essaie, année après année, aussi en me documentant de manière plus précise, aussi en habitant mieux ces lieux, j'essaie de faire une synthèse. C'est difficile, disons, de suivre toutes les évolutions, mais il faut dire que les Israéliens, les archéologues israéliens, depuis 50 ans, ont fait d'énormes découvertes. Ils ont multiplié les fouilles et maintenant on a une connaissance quand même beaucoup plus précise. Mais les Jordaniens aussi font des fouilles. Quand nous descendons vers Petra, nous nous arrêtons par exemple à Dibon. On a retrouvé cette fameuse stèle de Mécha qui se trouve au Louvre et qui nous permet donc de voir le texte même de la stèle qui a été gravé sur cette stèle, raconte une campagne du roi de Moab contre le roi d'Israël au 9e siècle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est vrai que l'archéologie a fait beaucoup de progrès. La stèle de Mécha, évidemment, c'est un monument d'importance majeure parce que ça montre en effet qu'au 9e siècle, il y avait des écritures importantes, des monuments. Et ce qui est intéressant, évidemment, avec la stèle de Mécha, c'est pour la première fois, on a le tétragramme, le nom du dieu d'Israël qu'on prononce Yahvé. On ne sait pas très bien comment ça se prononçait vraiment. Mais là, on l'a pour la première fois en dehors de la Bible. Donc c'est quand même un monument très, très important. Bien sûr, puisque l'archéologie fait des progrès. Je reviens donc sur ma question qui complexifie. Il y aurait-il eu plusieurs arches? Je dis ça parce que dans les livres de l'Ancien Testament, dans laquelle l'arche est citée, elle est présentée de différentes manières et sous différentes formes. Tout à fait. Alors c'est une théorie qui est très très courante dans la tradition rabbinique, c'est-à-dire des commentaires juifs de la Bible, à cause justement du fait qu'il y a différentes descriptions de l'arche. Et donc on s'est dit, comme ça colle pas, il faut que ça soit plusieurs. Moi, je dirais plutôt, c'est des réinterprétations en fait d'un objet qu'on réinvente au fur et à mesure. C'est comme l'Allemagne, on l'aime tellement qu'on en voudrait eux. On va souffler un peu. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Jack Johnson, Traffic in the Sky. There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Shadows of the planes on the pavement. It's enough to make me cry, but that don't seem like it will make it feel better. Maybe it's a dream, and if I scream, it will burst at the seams. Whole place would fall into pieces, and then they'd say, well, how could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stone, soon the water will be lost in the well. Puzzle pieces in the ground, no one ever seems to be digging. Instead they're looking up towards the heavens with their eyes on the heavens. The shadows on the way to the heavens. It's enough to make me cry. That don't seem like it will make you feel better. The answers could be found, we could learn from digging down. But no one ever seems to be digging. Instead they'll say, well, how could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stone, soon the water will be lost in the well. And words of wisdom all around, but no one ever seems to listen. They're talking about the plans on the paper, building up from the pavement. The shadows from the scrapers on the pavement. It's enough to make me sigh, but that don't seem like it will make you feel better. The words are all around, but the words are only sounds, and no one ever seems to listen. Instead they'll say, well, how could we have known? I'll tell them it's really not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stone, soon the water will be lost in the well, lost in the well. L'Arche d'Alliance, où est l'Arche d'Alliance? Bah, si on pouvait répondre, il n'y aurait plus d'émission. Ah, on ne fera plus nos travaux. Thomas Remer, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France et de la chaire Ancien Testament à l'Université de Lausanne, et que vous co-dirigez actuellement avec le professeur Israël Finkelstein et le professeur Christophe Nicole une campagne de fouilles archéologiques en Israël et notamment à Kiryat Jearim. Alors Kiryat Jearim, c'est juste avant Jérusalem, quand on vient de Tel Aviv. Ceux qui connaissent un petit peu le coin, il y a une station essence tenue par un fou d'Elvis Presley, j'imagine. Absolument. Avec une statue, même deux, hein, d'Elvis Presley. Voilà, si vous passez dans le coin, vous saurez que c'est ça là. Vaut le détour aussi. Ça vaut le détour. C'est pas le même genre de détour. Y a-t-il un élément particulier que vous avez lu ou compris qui vous a poussé à mener vos recherches sur ce site-là? Tout à fait, parce que si on regarde le récit biblique sur l'arche, elle est capturée par les Philistins et puis elle voyage beaucoup. Hein. Oui, alors elle voyage beaucoup, elle fait toutes sortes de plaies auprès des Philistins qui finalement se décident à rendre l'arche aux Israélites et elle la laisse partir comme ça, tirée par deux vaches et les vaches, ils s'arrête d'abord à Beth-Shemesh et après à Kiryat Yearim. Et donc, on s'est dit, c'est très bizarre, pourquoi Kiryat Yearim, qui ne joue pas un rôle très très important dans le reste de la Bible? La Bible dit vaguement, bon, il serait resté peut-être 20-30 ans après, David l'aurait cherché pour la ramener à Jérusalem. Mais c'est quand même un peu bizarre quand on regarde ce texte. Et donc, on s'est dit, il faut un peu voir sur place. Et Kiryat Yearim, curieusement, c'est un des rares sites, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, presque tout a été fouillé en Israël, je crois, c'est vraiment le pays où il y a le plus de fouilles avec l'Égypte, au monde. Voilà, tout à fait. Et donc, bah, ça n'a pas été fouillé, entre autres parce que c'est sous protectorat français, que les relations entre la France et Israël, selon les moments, ne sont pas toujours hyper faciles. C'est occupé par une congrégation religieuse, donc des religieuses, hein. Voilà, qui s'appelle Saint-Joseph de la Sainte Apparition. La basilique a été fondée par une Française, donc par une religieuse française. Et donc, du coup, on a dû négocier d'abord pour, évidemment, avoir la permission d'aller fouiller là-bas. Mais c'était intéressant parce qu'en effet, c'est un des rares endroits où on n'a pas encore vraiment d'informations. Et donc, fallait d'abord commencer à voir avec les religieuses s'ils étaient d'accord. Évidemment, comme vous l'avez rappelé, sur la colline, il y a une basilique moderne, donc du début du XXe siècle, mais elle est en effet construite sur une église byzantine, dont on peut voir d'ailleurs encore les mosaïques. Alors, est-ce que c'est là que vous mettez au jour cette immense structure, sorte d'estrade rectangulaire monumentale, faite de mains d'hommes, on l'a dit, 150 mètres de long, 110 de large? Voilà, c'est, en effet, l'église est construite sur cette structure-là, et ouais. Puis quand on regarde, en effet, les photos aériennes, on est en effet frappé, c'est trop plat pour être simplement le fruit du hasard. Donc c'est vraiment fait par des hommes, et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a trouvé ce mur qui entoure cette structure. Et ce mur est beaucoup trop restreint pour être une enceinte d'une ville. Ça ne peut pas être une enceinte de ville, donc c'est un grand bâtiment qui est entouré. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est ? Non ? Voilà, alors, ah oui. Parce que, voyez, vous avez sous l'église moderne, vous avez l'église byzantine. Oui. Alors, les églises byzantines, c'est 4e, 3e siècle, souvent, ils ont construit sur des sanctuaires plus anciens qu'on voulait récupérer. C'est un millefeuille, quoi. Voilà, c'est un millefeuille. Et donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que l'église byzantine, à l'époque, n'a pas été construite sur les restes d'un sanctuaire, peut-être dédié à l'Arche de l'Alliance. Voilà, et comme hasard, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette tradition, l'église moderne s'appelle encore Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, donc il y a une grande continuité, c'est la longue durée, comme diraient certains, et je suis assez convaincu qu'en effet, il y avait un sanctuaire dans lequel l'Arche se trouvait peut-être plus longtemps que 30 ans, parce que s'il était là que 20-30 ans, on n'aura pas construit tout cela. Donc ça veut dire que le récit biblique doit être corrigé, c'est pas David qui a cherché l'Arche à Jérusalem, certainement pas, ça s'est passé beaucoup plus tard. Quelles ont été les réactions des milieux juifs traditionnels et des responsables politiques également après cette découverte? Alors, parce que quand il faut revoir les écrits. Ils ont l'habitude, surtout avec Israël Finkelstein quand même, ils savent, donc c'est pas quelqu'un qui va faire l'archéologie de légitimation, donc c'est clair qu'on a un intérêt historique. Pour le moment, c'est relativement calme, il y a un groupe, en effet, de religieux dans une sorte de congrégation qui s'appelle, en effet, aussi Kiryat Yerim, qui sont venus une fois visiter les fouilles. On leur a expliqué. Ils n'avaient pas l'air... soit ils n'avaient pas compris ou ils n'avaient rien dit, donc ça, on ne sait pas. Par contre, j'étais quand même convoqué par le consul de France à Jérusalem qui était un peu inquiet que l'État d'Israël allait se mêler et puis, évidemment, essayer d'exproprier les sœurs, ce qui n'est pas du tout le cas, donc, et surtout l'université de Tel Aviv, il a quand même une charte de conduite, donc c'est pas du tout pour revendiquer le lieu, c'est plutôt pour mieux comprendre, et puis on a essayé aussi d'expliquer aux sœurs que ça pourrait les intéresser parce qu'ils pourraient un peu faire vivre ce site, et pourquoi pas. Alors, très rapidement, professeur, votre démarche est uniquement, exclusivement scientifique. On est bien d'accord. Comment vous vous en sortez avec tout l'environnement religieux? C'est toujours évidemment un principe rapide parce que malheureusement c'est toujours évidemment très très compliqué. Mais je pense en effet il faut faire l'histoire face à l'obscurantisme. Il y a des milieux religieux qui sont éclairés, mais il y a des milieux religieux, que ça soit chrétien, juif ou musulman, qui ont une vision un peu bizarre, je dirais, des textes fondateurs. Et ce qu'on fait, je dirais, c'est un peu un travail, je veux pas dire des lumières, mais quand même un peu de montrer que la Bible et un document historique, et qu'il n'est pas tombé du ciel. Voilà. Il y a ceux qui croient et ceux qui pensent. Voilà. Merci. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Arche d'Alliance, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait, et je l'en remercie, Patrick Henry.